السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. أما بعد، يسرنا في هذه اللحظات أن نجعل بين يدي هذه الكلمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه، نافعة لنا ولكم ولسائر المسلمين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أن نقدم لكم شكرنا لكم ولما تقومون به لجهدكم، وأنتم في ذلك مشكورون، ونحن الحمد لله امتثالا بذلك من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام أبو داود وقد صححه علامة اليمن الشيخ المقبل رحمه الله عليه رحمة الأبرار، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يشكر الله من لم يشكر الناس. إخواني في الله، avant d'entamer que ce soit dans cette conférence, dans cette kalima, il va de soi qu'on vous remercie des efforts que vous déployez au cours de ce mois de Ramadan béni. Et sachez qu'il fait partie du remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala de remercier les gens généreux. Comme cela est rapporté par Abi Huraira dans le recueil d'Abu Daoud, et Cheikh Mokbel a authentifié le hadith, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal: celui qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on vous remercie une fois de plus pour les efforts que vous déployez au cours de ce mois béni, ce mois de Ramadan, afin de répandre les ilm et la sunnah et la da'wah salafiyya safiyya de Dammaj al-Mubaraka. Tout comme nous vous remercions de la prise de défense que vous avez pour cette da'wah. فَنَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَنْصَرَنَا وَإِيَّاكُمْ عَلَى عَدُوِّنَا وَعَدُوِّكُمْ وَيُثَبِّتَنَا وَإِيَّاكُمْ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى نَلْقَاهُ. إخواني في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى على آلائه ونعمه الكثيرة، وما بكم من نعمة فمن الله. ونحمد الله سبحانه وتعالى بملتي بيانفي qu'il nous a donné. Et parmi les bienfaits dont il est bon de se rappeler dans ces brefs instants, et de remercier Allah subhanahu wa ta'ala énormément, c'est de se rappeler de cet énorme bienfait qui est autre que Al-Ukhuwa fillah subhanahu wa ta'ala, la fraternité en Allah azza wa jal. Cette fraternité salafiyya qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ses serviteurs de se rappeler et de le remercier en vertu de cette immense faveur qu'il nous a accordée. Qala jalla fi'ula: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فأصبحتم بنعمته إخوانا. Il est dit dans ce verset: Et rappelez-vous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous. Lorsque vous étiez des ennemis, c'est lui qui a joué en vos cœurs, puis par son bienfait qu'est l'islam, par son bienfait qu'est la sunnah, vous êtes devenus des frères. Walhamdulillah. On est devenus des frères après qu'une bonne partie d'entre nous s'est détesté les uns les autres. Et même peut-être s'entretuer les uns les autres. Cela juste par une simple différence de couleur, une simple différence de culture. Parce qu'un tel vient d'un quartier, un autre d'un tel. Une attitude jahiliya. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, wa lahu fadlu fi dhalika, a remplacé par la fraternité, le respect, wa l'hubbu fillah, subhanahu wa ta'ala. La mal, wa la jah, wa la hadhan, min hudud hadhi dunya, al-faniya s-saqita, jamara baynana, wa allafa bayna qulubina. Ni fortune, ni prestige, ni de bien parmi les plaisirs de la vie d'ici-bas, n'a réuni ou joint nos cœurs. Mais c'est par la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala wa rahmati que nos cœurs ont été unis et joints entre eux. Qala Allah jalla wa ala wa law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta bayna qulubihim walakinna Allah alafa baynahum. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si tu aurais, ya Muhammad, dépensé tout ce qui est sur la terre, tu n'aurais jamais pu unir leurs cœurs. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a unis. فنحمد الله ونشكره أن قلب قلوبنا على الحق وأقبلها على دينه وعلى هذه الأخوة السلفية نرجو الله سبحانه وتعالى كن صادقين في ذلك. Donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir orienté nos cœurs vers l'islam et d'avoir fait de nous par l'islam des frères, même si nos couleurs sont différentes et nos maisons sont distantes. Ikhwani fillah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل الذي هو خير زاد الآخرة. قال الله جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Et prenez vos provisions, et la meilleure des provisions c'est la taqwa d'Allah عز وجل. Donc vous enjoins ainsi qu'à moi-même la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la meilleure provision pour l'akhira. وذلك بالإقبال على الله سبحانه وتعالى, en vous livrant à l'adoration d'Allah dans subhanahu wa ta'ala, en vous livrant à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en déployant les efforts pour cela. La siyama fi hadha zaman wa la siyama fi mithl hadha al-balad alladhi huwa Fransa alladhi kathura fihi ash-shahawat wa kathura fiha al-shubuhat wa kathura fiha al-fitan bi shatt anwa'iha wa ashkaliha bal qalla man ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar na'am bal istawtana 'alayha ikhwan ash-shayatin من الجن والإنس ما أكثرهم لا كثرهم الله. إخواني في الله, vous avez là dans l'Iqbal à Allah Azza wa Jal un hasin, une forteresse inaccessible par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala vous préservera de fitan. ما ظهر منها وما بطن, qu'elle soit apparente ou cachée. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa as-sadiq al-masduq, a dit, comme cela a été rapporté par l'imam muslim selon Abu Huraira رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بادروا بالأعمال فتنا بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit dans ce hadith: empressez-vous à devancer par les œuvres pieuses les fitaines, qui seront aussi sombres que la nuit obscure, durant lesquelles l'homme se trouvera croyant au bon matin et kafir le soir, wa'iyadhu billah, au point d'échanger sa religion contre une part de la vie d'ici-bas, wa'iyadhu billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers ce hadith, encourage sa communauté, exhorte sa communauté à hâter le pas vers les œuvres pieuses, à devancer dans les moments d'aisance les fitaines par les œuvres pieuses, bil-iqbali ala Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela afin que le musulman profite des moments d'aisance pour multiplier les actes qui le rapprocheront d'Allah azza wa jal wa dar al-akhirah, avant que vienne le jour où les fitaines se dresseront comme un rempart le privant de s'adonner à l'adoration d'Allah azza wa jal comme il aurait souhaité yani le faire. Et tout cela kadhalika, afin que ses multiples œuvres dans les moments d'aisance lui permettent de bénéficier du soutien d'Allah azza wa jal dans les moments difficiles. Wa fil hadith, وإن كان في ضعف وكان المعنى صحيح قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة يعرفك في الشدة. Rappelle-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments d'aisance, en lui réservant l'ikhlas, bilaqbala ala Allah azza wa jal, wa husn al-mutaba'a, Allah subhanahu wa ta'ala, il se rappellera de toi dans les moments difficiles. Le musulman, lorsqu'il porte réflexion sur ce hadith, il jette par la même occasion un œil dans l'époque dans laquelle on vit, il a de l'appréhension pour sa personne, il a peur pour son dîn. Comment le musulman pourrait-il se fier à lui avec l'époque dans laquelle on vit, alors que les sahaba, les uns les autres, craignaient d'atteindre l'époque des atba'a tabi'in, qui sont la génération qui a succédé celle qui a suivi les sahaba. L'imam Thori, Sufyan ibn Sa'id, rahimahullah ta'ala, dans une des recommandations qu'il a avisées à Abbad ibn Abbad, Al-Khawas, rahimahullah ta'ala, dit: Ya Abbad, sache que tu vis dans une époque à laquelle les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam demandaient le refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas atteindre. Et comme tu le sais, ils ont la science que nous n'avons pas, et l'affermissement que nous n'avons pas. Quel sera notre sort, Naam, lorsque ce Zeman nous rattrapera avec le peu de science que nous avons, avec le peu de patience que nous avons, avec le peu de personnes qui t'aident à faire le bien. Ajoute à cela la débauche de la plupart des gens de ce Zeman. Qala, sache que la gravité de l'époque dans laquelle on vit a atteint un tel point que la personne souhaitera à la place de cela mourir. Subhanallah. À l'entendre parler, t'as l'impression qu'il décrit les putains dedans, comment ça s'appelle, qui sont dans nos Zeman. Ou celle de Masah al-Dajjal, alors qu'il est dans le Qurun al-Thalatha, al-Mufaddalah, les siècles lumière. Yani tata'ajjam min zalika. Sachez que l'époque à laquelle yani, il fait allusion, cet imam, yani, Sufyan al-Thawri, naam, de sa recommandation, yani, il fait allusion là à un siècle auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné de la bonté des gens de cette époque. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يعني les meilleurs hommes sont ceux de mon époque puis celle qui vient après puis celle qui vient après. Malgré cela, cet imam voyait que la mort était meilleure pour lui alors qu'il était dans les meilleures couronnes. Il voyait que la mort était meilleure pour lui. Que pense-tu que l'imam Thori rahimahullah ta'ala aurait dit naam, si jamais il aurait seulement pu savoir les critères dans lesquels nous on vit? Qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Qu'est-ce qu'il aurait pu dire si jamais seulement une seule des fitnas, parmi les fitnas qui se trouvent dans notre époque, Aniyah aurait été présente dans son époque? Qu'est-ce que tu penses si jamais l'imam Thori, naam, dans son époque, il y aurait les fitnas comme c'est le cas actuellement, il y en a dans notre époque? Aniyah avec les gay pride, les prostitutions, la drogue, l'alcool, les boîtes de nuit, la mixité, il aurait demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a 100 fois et 100 fois la mort. 100 fois et 100 fois la mort. Naam. S'il a reçu, Kadhalik est en contrepartie de cela, il y a l'état critique dans lequel vit Naam, la plupart des musulmans. Ou Kadhalik, s'il a reçu l'infime partie des gens qui s'acquittent et n'est vraiment, réellement, de l'appel au réel islam, au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au salaf. Fana'udhu billah, min al-fitani ma zahar minha wa ma batan. Donc il en va de soi. Pour celui qui connaît l'affermissement sur lequel étaient les salafs et la crainte qu'ils redoutaient vis-à-vis des fitnas, qu'ils redoublent d'efforts en s'adonnant au maximum possible à l'adoration d'Allah Azza wa Jal, comme lui a été recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fabadiru bil a'mal saliha, fabadiru bil a'mal fitanan. Empressez-vous à œuvrer. Nam, tajiddu, wastahidu, waffaqakum Allah, wahabidakum Allah, wafirru ila Allah. Et fuyez vers Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant l'adoration exclusive, en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve des fitaines qui sont semblables aux nuits sombres, fitaines dans lesquelles les cœurs de l'un d'entre nous y en est peu à tout moment basculer, de la foi à la mécréance, sans savoir sur laquelle de la foi à la mécréance sa vie va se conclure. Y en est fitaine shadida, kattab'i al-layl al-muzlim. On voit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a caractérisé ces fitaines, semblables aux nuits sombres, kattab'i al-layl al-muzlim. Tout cela afin que celui qui souhaite, réellement être éclairé dans la pénombre des fitanes, prennent la recommandation du prophète sallam en s'empressant, en s'adonnant à l'attention d'Allah Azza wa Jal. Car les gens dans ces fitanes seront dans un total désarroi, dans une confusion totale, totalement désorientés. Nul ne passera au travers de ces fitanes, à l'exception de celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui aura accordé la lumière par laquelle il trouvera l'issue favorable, l'épargnant du mal des fitanes. Wa man lam yaj'alillahu lahu nura فما له من نور. Et celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui accorde pas de lumière, il n'aura pas de lumière. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Et celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala en s'inquiétant de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne et recommandé, et en évitant les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a prouvées, les choses détestables, en s'adonnant à l'adoration d'Allah azawajal, tout en déployant les efforts pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera une issue favorable. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا أي dans les moments difficiles et dans les fêtes dures. وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِعَادِ telle est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne manque pas ses promesses. إِخْوَانِ فِي اللَّهِ الْقَبَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى est la chose qui doit être la plus prise en considération dans la vie du musulman. Bien encore, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés afin qu'on s'adonne pleinement à l'adorer et non afin de s'épanouir dans les délices de la vie d'ici-bas. قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون je n'ai créé les djinns et les humains qu'afin qu'ils m'adorent. L'imam Nawawi رحمه الله تعالى dit dans مقدمة في رياض الصالحين ce verset يعني précédemment cité est une preuve formelle qu'ils ont été créés pour s'adonner à l'adoration d'Allah سبحانه وتعالى. Il est de leur devoir qu'ils prennent en considération la chose pour laquelle ils ont été créés en s'écartant des délices de la vie d'ici-bas. انتهى. Donc il en va de soi يا معشر أهل السنة ونحن أحق بذلك que l'on s'écarte des délices de la vie d'ici-bas et qu'on se consacre à Allah Azza wa Jal wa Dar al-Akhirah que les gros cylindrés, la richesse, la renommée, les voyages, les nouvelles technologies ne prennent pas le pas sur la vie du muslim et sur la vie de l'au-delà. نحن عباد من عباد الله عز وجل et non des esclaves asservis aux délices de la vie d'ici-bas. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم خلقت عبادي كلهم حنفاء خلقت عبادي كلهم حنفاء j'ai créé la totalité de mes serviteurs حنفاء أي de nature à ce qui s'adonne à m'adorer tout en s'écartant de tout ce qui est en dehors de moi. يا أيها السلفيون et plus particulièrement vous في فرنسا لا تغرنكم الحياة الدنيا ne vous faites pas tromper par la vie d'ici-bas en la faisant précéder aux œuvres de l'au-delà ou en croyant que vous avez été conçu pour cela. Qu'est-ce que la vie d'ici-bas? Qu'est-ce que la vie d'ici-bas y aller au point où on se ferait duper et oublier l'au-delà? Le prophète sallam n'a-t-il pas dit, comme cela a été rapporté par l'imam Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, et authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, الدنيا ملعونة الدنيا ملعونة ملعونة من فيها إلا ذكر الله وما والا وعالما ومتعلما. Le prophète sallam dit, en effet, la vie d'ici-bas est ملعونة, maudite, tout comme maudit et ce qu'elle contient, à l'exception du rappel d'Allah, à l'exception du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce qui s'y rapporte, celui qui donne à savoir et le recherche, et celui qui donne à savoir et celui qui recherche la science. Ce hadith, et tant d'autres, nous prouvent clairement que le bien-être, la détente, l'apaisement, n'est pas à travers la recherche des délices de la vie de Shiba. Pourquoi? Parce qu'elle est mal'ouna, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La détente, le bien-être, l'apaisement, c'est يعني en s'adonnant à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Et quiconque se détourne de mon rappel, qui est le Coran, qui est l'ibada, comme l'a évoqué Cheikh l'Islam et Taïmiyata rahimahullah ta'ala, et quiconque se détourne de mon rappel, n'aime pour les préoccupations mondaines, et fait de la vie d'ici-bas يعني son ambition première, comme l'a évoqué l'imam Qurtubi, certes il mènera une vie pleine de gêne. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ ce verset est une ayah wadiha, يعني que chacun d'entre nous a pu constater, notamment يعني chez les koufars. Combien de popstars, combien de célébrités, combien de personnes fortunées à qui a été donné يعني certaines richesses يعني de ce bas monde de la vie d'ici-bas, mais malgré cela, il s'est suicidé. Malgré cela, il s'est suicidé. Pourquoi? Parce que leur vie est dépourvue, na'am, de toute ibadah. مَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ عَزَ وَجَلَ leur vie est pleine de gêne, d'angoisse, même si d'apparence ils possèdent les richesses de ce bas monde. Pourquoi? Parce qu'ils n'adorent pas Allah عز وجل. Et na'am, l'apaisement et le bien-être est dans l'ibadah. Na'am, ya ibad Allah. L'apaisement est dans l'iqbal ala Allah عز وجل. Et non à travers les richesses de la vie d'ici-bas. قال الله سبحانه وتعالى وَمَنْ يَعْمَلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٍ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً quiconque homme ou femme œuvre en bien avec sincérité et par le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam tout en étant croyant, nous le ferons vivre une bonne vie. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً قال العلماء يعني من المفسرين la bonne vie c'est la pérennité, la continuité dans l'obéissance d'Allah azza wa jal. فَيَا أَيُّهَا الْإِخْوَةُ الْكِرَامُ adonnez-vous la bonne vie à donner voix à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et à répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il vous recommande de s'adonner à lui. قال جل وعلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا وتبتل إليه تبتيلا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, et rappelle-toi du nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à lui. Et consacre-toi totalement à lui. Donc consacrez-vous totalement à lui, à Allah azza wa jal, avant que vienne le jour où nul refuge ne sera accordé, ni bien, ni progéniture ne sera d'utilité. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهِ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. À l'exception de celui qui viendra يَوْمَ الْقِيَامَةِ avec un cœur saint et rempli de dévotion pour Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبَرَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala viendra pour juger entre ses ribettes, ce jour-là, les gens qui ne s'étaient pas donnés à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seront submergés par l'angoisse et le regret. Ils diront « Ya laytani qaddamtu lihayati » Hélas, si seulement j'avais œuvré, si seulement j'avais œuvré pour ma vie éternelle. Naam, la vie éternelle, la vraie vie, c'est yani, d'œuvrer pour l'akhira. C'est pas d'œuvrer pour la hayati dunya. « Ya laytani qaddamtu lihayati » Hélas, si seulement j'avais œuvré pour ma vie éternelle, si seulement j'avais répondu à l'appel de mon Seigneur, et en est lorsqu'il me recommanda de se consacrer à lui, c'est seulement j'avais profité de chaque aspect « ilakhirihi » wa la tasa'at min dami. Les regrets ne seront d'aucune utilité. Ce jour-là, le serviteur donnera la véritable ampleur de chaque minute perdue dans ce bas monde, de chaque opportunité délaissée. « Yawma yatadhakkaru l'insan wa anna lahu dhikra » Ce jour-là, il se rappellera, mais à quoi lui servira le rappel? À quoi lui servira le rappel? « Fayya yuhu l'ikhwa »« Aqbilu ala Allah subhanahu wa ta'ala » بالدعاء بالصلاه بالصيام بكل ما تستطيعون قدموا للاخره. Adonnez-vous à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui tu peux œuvrer, demain tu pourras pas. Al-yawma amal wa la hisab wa ghadan hisab wa la amal. Aujourd'hui tu peux œuvrer, tu n'as pas de compte à rendre, mais demain tu devras rendre des comptes et tu pourras plus œuvrer et tu pourras plus dire rabbirji'un, Seigneur, fais-moi revenir. Pourquoi tu veux revenir? La santé, la longue vie ne t'ont pas été, comment ça va l'accorder, afin que tu puisses œuvrer pleinement? Pourquoi tu veux revenir? Allah subhanahu wa ta'ala yaqul liman yaqul rabbirji'un awalam nu'ammirkum awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar waja'akumun nadhir waja'akumun nadhir. Ne nous vous avons pas donné une vie assez longue pour que celui qui souhaite se rappeler se rappelle? Ya ma'shar ahli sunnah, prenez soin de votre temps, ménagez votre santé, car elles sont un bienfait dont une majorité des gens, yani, se font duper. Comme cela a été évoqué dans le hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhu, qui m'a fait Sahih al-Bukhari. Le prophète sallam dit, ni'matan marbouna fihima kathir minan nas, as-sihhatu wal-farah. Yani, deux bienfaits dont yani, une bonne partie des gens se font duper, qui est la santé et le temps libre. Donc soyez attentifs à votre temps et dépensez-le dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et profitez kadhalika pour cela de cette énorme baraka, de cette énorme ni'ma qui est le mois de Ramadan al-Mubarak, un mois qui a été pleinement planifié, na'am, nuit comme jour, pour celui qui veut se dévouer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bil qiyam, wa siyam, wa qira'at al-Qur'an, wa sima'ihi, wa tadabburihi, wa tasadduq, wa ghayriha, min al-ibada, alladhi khalaqa al-layla wa al-nahar, khilfatan liman arada an yadhakara, aw arada shukura. Na'am. Et vous avez kadhalika dans ce mois, à travers le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, un bon exemple à suivre pour celui qui espère Allah subhanahu wa ta'ala wa dar al-akhirah. Et souhaite l'adorer. Car comme cela a été rapporté par Aïcha, selon Muslim, قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره وفي الأواخر منه ما لا يجتهد في غيرها. Le prophète sallam dit, ou Aïcha dit, le prophète sallam redoublait d'efforts dans le mois de Ramadan comme il ne faisait pas dans d'autres mois, et dans les 10 derniers jours de Ramadan comme il ne faisait pas dans d'autres jours. وفي الختام, et pour conclure, je vous enjoins la recommandation du prophète sallam qu'il a donné à Abd Omar, lorsqu'il dit Kounu ou Koun fit dunya, ka'annaka gharib ou abir sabil. Le prophète sallam lui dit, sois dans ce bas monde comme étranger ou un voyageur de passage. قال ابن عمر إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ابن عمر dit, رضي الله عنه, lorsque le soir arrive, n'attends pas le matin, et pour ouvrir, ne recule pas une œuvre, ne recule pas une œuvre à plus tard, si jamais tu as l'occasion de pouvoir la faire sur le tas. Et il dit, lorsque le matin arrive, n'attends pas le soir pour œuvrer. Prends de ta santé pour œuvrer, avant que tu tombes malade. Et prends de ta vie pour œuvrer, afin de récolter ses fruits après ta mort. Ibn Rajab, Rahimallah Ta'ala, dit, comme fi jami' ulum al-hikam, nul doute que celui qui applique cette recommandation, qui est le hadith d'Ibn Umar, nul doute que celui qui applique cette recommandation ira de l'avant et prendra ses provisions pour le jour du jugement dernier. Donc soyez parmi les gens de l'Akhirah et ne soyez pas parmi les gens de la vie d'ici-bas, comme l'a dit Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Car aujourd'hui tu œuvres et tu n'as pas à rendre compte. Et demain, tu rendras compte, mais tu ne pourras plus œuvrer. Naam, tu ne pourras plus œuvrer. Fajiddu wa shtahidu wa faqakum Allah. Adonnez-vous à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et certes, vous réussirez. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ كَالِحُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ صَبَّرَكُمْ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى نَلْقَاهُ وَلَوْ كَرِهَ الْمَخْذُولُونَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ وَشَكَرَ اللَّهُ لَكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ